Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Michel Tifo et Dominique Bolduc ont reçu le commissaire de la Ligue du Lac au Fleuve, Mathieu Caron, pour parler de l'expansion. Il y aura une autre équipe à Saint-Bruno. Et du même coup, on a annoncé que Forestville ne reviendra pas la saison prochaine. C'est une année sabbatique. Donc, on écoute cette entrevue. Dans la Ligue senior du Lac au Fleuve, on va discuter tout de suite avec le président ou le commissaire, Mathieu Caron. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Michel. Bonjour, Dominique. Allô. Il y a du changement là qui s'en vient pour les deux prochaines saisons. Parlons d'abord de la saison qui s'en vient, 2019-2020. Je regarde ce que j'ai devant moi, là. Vous allez jouer à cinq équipes, Labbé, Charlevoix, Dolbeau, Wendake. Ce Wendake, on l'a confirmé il n'y a pas longtemps ensemble dans le vestiaire. Et Saint-Bruno-Lac-Saint-Jean, c'est... explique-nous, là. Écoute, vous devancez un peu la nouvelle là-dessus. Et effectivement, là, nous, on va avoir l'année prochaine, en réalité, là, on a maintenant la Ligue est rendue avec 6 concessions. Nous avons adhéré, c'est pas encore totalement fait, là, tu devances un peu les nouvelles là-dessus, mais effectivement, notre franchise là, au Lac-Saint-Jean là, qui serait peut-être intéressée à pouvoir adhérer à la Ligue. Okay. Et c'est une formalité pour qu'on puisse régler le dossier. Mais quand même, on va voir, la Ligue a maintenant 6 concessions. Par contre, effectivement, oui, on va jouer à 5 équipes l'année prochaine. Le pourquoi, c'est que l'équipe de Forestville ont décidé de prendre une année sabbatique afin de pouvoir se restructurer. Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être encore plus disponibles pour l'année 2020-2021. Donc, on va pouvoir justement se restructurer. Les gouverneurs qui étaient là, ils étaient un peu épuisés, puis je les comprends parce qu'ils travaillaient quasiment tout seuls à tout ça. Fait qu'ils voulaient vraiment là prendre leur temps là à bien se préparer, puis être de retour là pour l'année prochaine là dans notre ligue là-dessus. Donc, comme vous avez dit, 20, on va jouer à 5 équipes, puis 20-21, on va pouvoir jouer à 6 équipes. Alors, si je comprends bien, Mathieu, Saint-Bruno, ça reste à confirmer cette semaine, c'est ça? Ça reste à confirmer cette semaine là-dessus. Là. On attend des nouvelles, juste au niveau du commanditaire, là, qu'on attendait des nouvelles, là, mais ça aurait peut-être, comme je dis, une formalité là en tant que telle. Donc, ça risque d'être intéressant au niveau de la compétition, Labbé, Dolbeau, puis s'il y a une équipe à Saint-Bruno, 3 équipes de la région. Effectivement, ça va être, je pense qu'on va avoir une très belle rivalité entre 3 organisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde est conscient de ça. Donc, c'est pour ça que c'est une très bonne idée. On va avoir quand même la rivalité aussi du côté du fleuve, là. On parle de Charlevoix, puis on parle de côté, Wendake. Donc, honnêtement, l'année prochaine, ça va être une saison qui risque d'être assez excitante versus. Il reste encore le commanditaire à confirmer du côté de Saint-Bruno, est-ce qu'on peut confirmer le nom des personnes qui vont s'occuper de l'équipe, les responsables? Est-ce qu'on peut les confirmer? Il faut attendre un petit peu. Étant donné que c'est encore un dossier qui est comme l'adhésion n'est pas confirmée par le bureau des gouverneurs encore, donc on va la finaliser probablement cette semaine. Donc c'est sûr que pour l'instant, je vais tenir certaines informations là confidentielles, mais dès que ça va être sorti, vous allez connaître toutes les informations là-dessus. OK, au niveau des rumeurs là, pour ce qui est de Saint-Bruno. Ça reste à confirmer. Forestville, donc, ce sera l'an prochain leur retour. C'est sûr et certain qu'ils reviennent l'an prochain. Oui, effectivement. Là, on a parlé, le gouverneur était présent en fin de semaine à l'AGA. Comme il nous a expliqué, là, il nous a fait la demande à savoir si on était d'accord avec le fait qu'il puisse se retirer. Tous les gouverneurs ont accepté. On va dire que Stéphane Gaudreau, là, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est un gars de hockey, c'est un gars qui a hockey à cœur. Il a hockey senior à cœur aussi à Forestville. Lui restait estimé pour Forestville, c'est quand même une bonne demi-heure de route, fait qu'il peut y arriver tout le temps ça. Fait que c'est pour ça que il veut revenir, mais là c'est juste qu'il veut prendre le temps de vraiment bien évaluer les choses puis travailler pour faire en sorte que l'année prochaine là, il puisse avoir un club compétitif. Mais du côté de Forestville, est-ce qu'on vous a donné des raisons pour là je comprends là, qu'ils veulent prendre une année sabbatique, là, mais est-ce qu'ils ont donné des raisons? Il y avait des, on avait plusieurs plans, là. Il y avait un plan de relève. Finalement, le plan de relève n'a pas fonctionné. Mais principalement, la principale raison, c'est qu'on veut qu'à nous, d'un côté, on veut que les gouvernements qui ont présentement la franchise, on veut qu'ils restent parce que c'est du monde qu'on apprécie beaucoup. Fait que c'est seulement que avec la possible arrivée d'une cinquième équipe dans une sixième concession, ben ça ne nous empêchait pas de pouvoir avoir notre objectif de jouer la saison 19-20 à cinq équipes. Donc c'est pour ça qu'on leur a permis de pouvoir bien se replacer puis aller chercher justement des bons joueurs, des bons joueurs là, qui vont sortir du junior et tout là, dans la prochaine année. Donc c'est très bien pour ça. Hey, merci beaucoup, Mathieu. On attend la confirmation du côté de Saint-Bruno pour la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves. Oui, effectivement, dès que ça va être confirmé, on va en tenir au courant. Merci beaucoup, merci. Mathieu. Merci. Au revoir. Ligue très intéressante hein, pour le futur. Absolument. Trois équipes de la région, trois de l'extérieur, Forestville, Wendake et Haute-Côte-Nord.